Lors du précédent acte, nous avions dû faire face à une pluie torrentielle. À la fin de cet acte, il manquait deux personnes, Pobednik et Latinias, tandis que moi, Trivatre, était parti chercher Latinias. Valkov était parti chercher Pobednik. J'ai retrouvé Latinias et suite à des discussions un peu houleuses sur le fait qu'il pourrait retourner ou non taper dans les champignons, j'ai pu le ramener. Tandis que Valkov a cherché Pobednik près de sa nef et il ne l'a pas trouvé et est rentré bredouille. Les plus jeunes de la communauté d'Ormont. Elles sont souvent ensemble. Comme on a pu le voir, la communauté est quelque peu austère, tournée vers ses obligations, vers le sentiment qu'il convient de préserver l'eau, de préserver les bienfaits que concède la terre à Ava. Pas réellement une place pour de jeunes filles, de très jeunes filles. Et souvent, elles s'ennuient aux enseignements, aux litanies qu'égrènent les anciens. Elles sont distraites, parfois irrespectueuses, rarement à leurs apprentissages et rarement investies dans les tâches qui leur sont confiées au quotidien. Aussi menues soient-elles, elles ont toujours à cœur d'en détourner l'objet et d'y adjoindre un jeu, une plaisanterie, qui les aura menés bien loin de là où on les attendait. Et donc la petite Sina se tient devant toi. Mon oncle, j'ai fait un rêve, un rêve comme un cauchemar. Comme un cauchemar. La belle vache qui va mettre là. Tous les deux, ils chantaient et pleuraient. Mon oncle, je peux dormir avec toi? Si tu veux. J'essaie de la poursuivre. Elle se rencogne contre toi. Au matin, tu t'éveilles avec une profonde douleur qui pulse en toi. Une douleur entêtante qui vient frapper sur toute la largeur de ton front, qui tire tes tempes, plisse tes yeux, et tu entends mon oncle, tu peines à t'éveiller, à t'extirper des méandres du sommeil. Donc tu ne retires aucun rêve, aucun souvenir. Un rêve gris, un rêve de grisaille dont tu t'extirpes avec peine pour trouver la jeune Zorika penchée vers toi. J'ai fait un rêve comme un cauchemar. J'allais à Wabero. J'allais rejoindre Qualia pour l'aider au troupeau. Et là, tout le troupeau pleurait. C'était affreux, c'était atroce, mon oncle. Cette chose blanche. Mais sans deux. Créature chantait avec elle. Créature blanche. J'ai peur, mon oncle. Je peux rester avec toi, mon oncle. Et malgré une odeur forte, celle du bûcher qui subsiste, tu t'assoupis à nouveau pour à nouveau entendre mon oncle, mais cette fois-ci ce n'est pas Zina. Pas même Zorika, l'une de ses sœurs. C'est Vika. Vika, c'est la troisième. La troisième. C'est la plus. J'ai du mal à retenir leur nom. La première à côté de moi. Si, elle est toujours à tes côtés. Elle s'appelle comment t'as dit ? Vika. Oui, Vika. J'ai fait un rêve. Comme un cauchemar. Installe-toi et raconte-le-moi une fois que t'es installé. Tu es gentil. Ta sœur a fait le même rêve. Enfin, je suppose que c'est le même rêve. Raconte-moi, je saurais peut-être. Bien. J'étais dans l'arboretum. J'allais cueillir des plantes pour la bonne corail. Qui voulait soigner Carova et... La plante qu'elle m'avait dite, je l'ai pas trouvée, mais j'ai trouvé une créature blanche qui tremblotait et qui chantait. Je peux rester avec toi, mon oncle ? Oui, ta soeur n'a pas fait le même rêve, mais c'est pas grave. Soleil qui passe au travers des frontaisons qui entourent l'enclave. Les jeunes filles ne sont pas là avec vous. Dans la pièce, Casimir, qui s'affaire, rassemble ses effets. Veille jalousement sur le savoir détenu au sein de la tour de Triglav. C'est lui auquel on se réfère plus qu'auprès de tout autre pour ce qui a trait aux coutumes, mais aussi lorsque on s'interroge sur des récoltes plus maigres ou la façon dont traiter une vache malade. Mais dans ce dernier cas, on a plutôt tendance à se tourner vers Corail. Les deux feignants. Il serait peut-être temps de se lever, c'est presque la mi-journée. Donc désolé, je me lève, il n'y a pas les deux filles à côté de moi. Donc je me lève précipitamment et je me prépare à aller. Je me lève aussi assez rapidement. Il a fini de rassembler ses vélins, les tubes dans lesquels. Il les transporte, ses plumes, ses encriers, et il se dirige d'un pas alerte en ayant rabattu sa capuche sur ses jugulaires. Le port altier, droit et fier, il va d'un bon pas vers la tour. Vous avez l'estomac tout barbouillé, vous avez une vague nausée et toujours ce mal de crâne et vos articulations sont douloureuses. Chaque pas se ressent dans tout votre corps. Lorsque vous vous êtes redressé de votre lit, vous avez eu un léger vertige. Que faites-vous ? Je pars aider. Pardon ? Je pars aider. Aider à quoi ? Bah, je sais pas, il y a toujours les champignons. Donc tu te rends dehors pour voir s'il reste des champignons à éliminer ? Je fais de même. D'accord. Sur la place, vous ne trouvez personne. Les quelques volailles, les oies qui d'habitude s'égayent à votre passage, ils n'y sont pas. L'ensemble de la communauté, ou du moins alors que vous circulez au sein des bâtiments, semble tout entier placé sous une chape silencieuse. Il n'y a pas de bruit. Tout est par ailleurs comme à l'accoutumée. Si ce n'est que on voit par endroits des œufs qui émergent de la boue au milieu des herbes, à l'abri des toitures. En dehors de cet aspect, rien ne rappelle ce qui s'est produit la veille, et pourtant l'endroit est extrêmement silencieux. Je m'amuse à déplacer les yeux. Et vous entendez t'équipes d'une binette et ou d'une houe et tu commences à récupérer les œufs. Tu avises un panier. C'était ouais, un panier pour pouvoir les transporter là où on voulait les brûler hier. Vous les avez brûlés hier? Ouais, les brûler au même endroit. Il a pris le panier qui était qui reposait là à l'entrée de la maisonnée. Il n'y en a plus d'autres. Tu t'éloignes vers le bûcher, celui qui n'a pas percé. L'autre est tout ruisselant d'eau. Les troncs qui sont entassés luisent sous la pluie et luisent d'une lueur singulière. Tu te rends compte que la pluie est différente. Elle a une odeur, mais peut-être n'est-ce pas la pluie, mais d'ordinaire, la pluie sans l'humus, elle fait ressortir les fragrances de votre terre. Et là, il y a un relent étranger sur ta peau, elle laisse des traces rougeâtres. Et donc, alors que tu recherches, tu quêtes du regard un panier quelconque qui te permettrait toi aussi de ramasser les œufs. Tu entends au loin se voit. Vous éloignez de la placette et vous voyez que la plupart des adultes sont répartis dans la vallée. Et ils appellent les... Les mains en porte-voix, ils appellent... Je m'approche Kika, Kizorika, Kizina. Je m'approche d'une des personnes qui hurle, qui appelle. La plus proche de vous, c'est le Bellistiu qui est en retrait et qui regarde cela depuis. Non, mais quelqu'un qui. Lui, il appelle pas ici. Non, il se tient immobile. Je m'approche de la première personne qui appelle. Mm-hmm. Et je lui dis, on les a perdus, enfin, sur un tour interrogatif, j'entends. On les a perdus ? Ouais. Enfin, on les a perdus ? Elle n'était pas là ce matin. Bah, en tout cas, il y avait... comment s'appelle celle-ci ? Les deux Vika, qui étaient à Vika. Vika et Zika, moi ? Il y a Vika, Zika et Zorika. Vika et Zika ont dormi à mes côtés la nuit dernière parce qu'elles avaient... fait un rêve comme un cauchemar. Voilà, ce que les deux ont dit ça, mais n'avaient pas fait le même cauchemar. Je te regarde avec surprise. Hein, mais on les a pas trouvés. À mon lever. Matin. Alors que je me suis levé plutôt tard. Je pensais qu'elles étaient déjà parties, je ne sais où, aider. Ou... Mais nous les cherchons. Aideras-tu à les chercher ? Bah oui. Je m'avançais ainsi auprès des personnes qui cherchaient les trois jeunes filles et je leur informe, tout comme Trivatre, que l'une d'entre elles, Zorika, a passé la nuit avec moi car elle avait été apeurée par un rêve comme un cauchemar. Vous cherchez un long moment. Où allez-vous chercher ? Dans quelle direction ? Près de la ferme. Il y en a une qui a parlé de l'apothicarium de mon côté. De l'arboretum. De l'arboretum. Ah. L'autre qui a parlé de la grange, je suppose. Bah, du coup, j'ai fouillé ces deux endroits. Il y en a deux qui ont parlé de. De la Stoï. Oui, bah, du coup, on commence tous les deux par la Stoï, je suppose. Hein. Mm. Vu qu'on a dû sûrement se raconter. Vous allez dans la Stoï. Après avoir prévenu d'autres membres de la communauté des informations que vous aviez recueillies au sujet des jeunes filles, et arrivé sur le seuil, vous entendez. Qui s'est répandue sur sa gueule, son museau et le jeune Koalias tient juste à côté, sanglotant. Fillettes ont dormi auprès de nous, on leur a raconté les rêves qu'elles nous avaient racontés, non? Donc du coup, je sais qu'ils rêvent. Enfin, on sait tous les deux que leurs deux rêves étaient similaires. Du coup, je cherche dans la grange. Tu vois que deux des autres vaches sont vacillantes, elles tiennent difficilement sur leurs pattes. La troisième est déjà allongée et une forme d'écume moussue qui se forme entre ses naseaux. La paille sent l'excrément, pas l'odeur chaude et forte de la bouse, mais l'odeur si particulière qui émanait du bûcher la veille. Et là, juste devant la vache qui est allongée, c'est une grande vache noire et blanche, comme celle que tu as toujours vue vaquer dans vos prés. Devant elle, un œuf et son rejeton qui semble palpiter, couvert de cette glèbe jaunâtre. Colia, ne penses-tu pas que c'est l'œuf? Les vaches, elles vont toutes mourir! Retirer les œufs. Il y en a partout. Il y en a partout. Il se redresse et s'effondre comme une masse au milieu de la paille. Du coup, j'essaie de. Enfin, je demande à. Valkov, aide-moi à le traîner, porter jusque dans l'une des maisons communes, celle où il dort également. Et ensuite, je propose qu'on aille chercher le panier où on mettait des œufs pour mettre les œufs qu'il y a dans la grange. Vous allez le poser sur son lit. Vous voyez qu'il est tout blême. Il a une ecchymose sous l'œil. Il est frissonnant. Il est blême, mais sa température corporelle est extrêmement élevée. Il est sans connaissance. Oui, mais il est blême parce qu'il est terrifié. Il est d'évidence. Sa pâleur est quelque chose d'anormal. Il est la proie d'une forte fièvre. Il est couvert de sueur. Tout comme les vaches. Moi personnellement, j'ai dépêché de virer tous les œufs qui sont dans la grange. Et ensuite, soit on va s'occuper de vacher. Tu l'aides à ôter les œufs de la grange? Non, il faut trouver. Moi je cherche les trois jeunes filles. Tu pars à la recherche? Oui. Tu rassembles tous les œufs que tu trouves dans la paille, tu te têtes de la fourche, tu écartes la paille autour des vaches. Lorsque tu es revenu, la vache, la quatrième vache dans sa stalle s'est effondrée. Elle est morte comme Karova. il ne reste que deux vaches qui sont très faibles. Elles ont quitté leur stall, elles se tiennent l'une contre l'autre. Oui, mais si je vire les œufs, ça va peut-être les aider à survivre. Bref, je vire les œufs, une fois que c'est fait, je vais en direction de la, pas de l'apothicarium, l'arboretum. L'arboretum va chercher la dernière fille qui s'était. Oh, il n'a pas trouvé les œufs. Tu rassembles la paille, le foin, tu en fais de grands ballots pour chercher au-dedans les œufs. Tu en trouves une dizaine qui n'ont pas éclos, mais que trois qui ont porté leurs fruits émaissants. Mais bon, peu importe, j'ai essayé de prendre tous les œufs et ensuite je vais à l'arboretum. Tu rejoins la communauté ou tu veux chercher quelque part en particulier l'arboretum. Tu vas à l'arboretum. Les autres sont partis vers la. Se dirigent. Certains sont allés vers les champs, d'autres se sont dirigés à la Voivre. Et enfin, d'autres sont à la périphérie, là où le bûcher avait été dressé la veille. Trois grands groupes se sont formés. L'arboretum est aux abords des champs, il n'y a personne à cet endroit-là. Il paraît désert. Il y a la même atmosphère lugubre que celle que vous avez fugitivement ressentie en vous levant ce matin et en gagnant la place d'Ormont. Et au pied d'un hêtre, tu avises trois œufs qui ont donné naissance à des étoiles rouges, frissonnantes, luisantes sous la pluie. Et aux abords des étoiles rouges, entouré par ces étoiles, tu aperçois une chevelure blanche gisant au sol, le corps dans le fossé derrière les racines de l'arbre. En t'approchant, tu aperçois distinctement le visage, la chair semble complètement dépigmentée. Par endroits, une espèce de tumeur noirâtre a laissé sourdre un vilain pu qui a la même teinte que celui que tu avais attribué à la pluie sur tes mains. Tu découvres là le corps sans vie de Corail. Et moi je leur rejoins le camp. Bien après, je suppose. Donc, le dé d'attitude, combattre la menace. Donc, je peux le mettre. D'accord. Dé de l'humanité, c'est déjà un silencieux. J'avais pas changé lors du précédent acte, mais je l'avais dit au deuxième acte que ça aurait été plus logique. Donc, du coup, je considère l'avoir changé. Hein. C'est pas juste un concours de circonstances, je pensais le changer juste. Si l'action est humainement réalisable, on peut utiliser un objet non magique ou aller ou un allié sorcier. Donc, si ça relève de l'humain. Oui. Est-ce que ça relève de ta vocation ou non ? Non. Est-ce qu'il y a. Traumatisme, on peut le dire, on pourrait le supposer comme alors, ça. Ça peut être un traumatisme mental. Là, ce que je considère, c'est que le fait de voir gisant et complètement transformé avec ses cheveux, ce qui incarnait Corail, c'était ses cheveux qui étaient libres au vent, rouges, enfin roux. Elle incarnait la liberté au sein de la communauté, et la voir ainsi gisant du jour au lendemain, blanchie, on va déterminer c'est le degré, est-ce que ça provoque en toi. Donc tu as le droit à ces 3D. Encore une fois, non, tu les prends pas. Tu les prends pas tous d'un coup. Le principe, c'est de les jouer séquentiellement. Tu te souviens? J'ai fait un sur l'un des latitudes, donc j'ai raté celui-ci. Ok. Ouais, t'as pas raté. Ça dépendra de. Moi, je fais. 3. Ok. Assiste 2 points d'avance sur moi. Mm-hmm. Donc t'es à 5 points, donc faut que je fasse 5, sinon j'ai perdu. Bah j'ai perdu. Ah non, toi t'as 4 dés en plus. Donc on a 5 points, on a 5 points d'écart. Non mais il y a pas, t'as c'est pas eu d'échec, t'as aucun effet secondaire. T'as pas d'empreinte qui ressort de cette situation. Alors le dead risk, oui, c'est tu peux le prendre. Bah, autant le prendre. C'est encore attrapable en fait. Je comprends pas pourquoi tu l'as pas pris. Donc enfin, le dead risk, c'est tu acceptes soit la conséquence. Donc là. Attends, j'ai mal lu le dead risk. C'est tu cherches à te dépasser. T'es d'accord de te dépasser. Oui. De toute façon, c'est trop tard, c'est lancé. Donc je vais pas. Oui, donc 4 et 2, 6. Et 4, 10. 4 et 3, 7. Et 3, 10. Et de 12. Le point d'avance. Donc tu restes longuement prostré et tu retrouves Valkov sanglotant auprès de la dépouille de Corail au sein de l'arboretum. Il est blême. Il a la pâleur de Qualia, mais peu s'en faut. Le voir ainsi gisant auprès de la jeune femme tombait un coup. C'est le droit au même dé en fait. Voilà. Et comme on a la même vocation. Alors. Oui, je la remettrai dans le même ordre. Donc. Moi, procès. 4. Et hop là. Ah, j'ai fait un 6. Ah, une empreinte. Est-ce que tu continues? Moi, on est là, tu m'as dépassé. Je te laisse d'abord avancer. Hop. Oh, égalité. Non, c'était le dé de risque, ça. Non, des traumatismes. Donc, on est là. Égalité. On est à égalité et moi il me reste un dé à lancer. Et toi, est-ce que tu prends le dé de risque en plus? T'as déjà une empreinte. Bah, je vais d'abord lancer. À égalité. Égalité, mais la situation est sur mon dé générique. Il se passe quoi en cas d'égalité? On a un dé de dit de mort subite. C'est qui le lance? Chacun. Les mêmes règles que le dé ordinaire. Incroyable, j'ai fait 1, t'as fait 6. Incroyable, quelle chance, décidément. Bon, du coup, je me mets à son côté avec une empreinte en plus. C'est cela. Alors, c'est qui le pas doué au dé? C'est moi ou c'est toi? Il n'y a pas de gens doués au dé ou pas doués au dé. Qui a de la chance? Donc, c'est plutôt ça la question. En l'espèce, on va définir la nature de ton empreinte. Puisqu'on est sur. On éprouve le jeu. Au cours de l'aventure, quand un personnage est attiré par une forme d'emprise, qu'elle soit liée à la menace ou non, il encaisse une empreinte. Ce peut être une blessure, une mutilation, une maladie, ou toute autre transformation physique ou mentale. Le joueur est libre de préciser de quel type d'empreinte il s'agit. Donc, comment vas-tu être atteint? Comment Trivatre va ressentir ce coup du sort? Il va être endormi comme tout. Il voit le cadavre d'un des membres de la communauté, ce qu'il n'avait jamais vu auparavant. Donc il va être choqué et adopter entre guillemets une attitude similaire à celle du lâcher en voyant sa vache morte. Rester sans beauté, sans réaction. Oui. Alors, j'ai mis un 1 là. Alors, on va mettre. Comment la qualifierait? C'est de la prostration. Tu es prostré. Prostré. Bah, tu es sans réaction vis-à-vis de l'extérieur. Okay. D'accord, ça dépend. Cela te. Enfin, te convient, c'est. C'est pas très. C'est pas ce qu'envie à Mathieu, je pense, enfin, un Trivatre. Les empreintes peuvent être jouées comme une ressource par la suite si les circonstances le permettent. Maintenant, Mathieu a un truc de plus que moi. Honnêtement. C'est le mode berserk. Non, je préférerais ne pas l'avoir. Et donc, on va aller un peu plus loin. À quoi ça t'enjoint cette découverte macabre et funeste, ce sentiment J'ai envie de savoir comment ça a arrivé, pour éviter que ça se reproduise sur d'autres mondes. Et donc ça conduit à une altération dans ton état d'esprit. Et on pourrait dire que cette empreinte, c'est... La volonté de survivre coûte que coûte, de se dépasser soi-même et de braver tous les risques. En fait, je traduirais par un changement d'attitude à la fin de cet acte. D'accord. J'avais déjà dit à l'acte 2, à 1, la fin du 1 ou 2 hors du micro, que je voulais changer le fuir la menace par agir. Là, ce qui n'a rien changé à ce jet, mais je voulais quand même le faire, je voulais le faire. Là, ce serait rapprocher par ailleurs de la menace et qui se transformerait en combattre la menace. D'accord. Mais seulement à la fin de cet acte, donc je mets des flèches pour symboliser, mais celui-là n'est pas encore actif. Parce que là, c'est le, on dirait la sculpture du nègre qui a. Parce que actuellement, je suis encore en Picardie. Je suis encore en état de prostration. Voilà. Tu restes. Mais à la fin de l'état de prostration, je changerai l'attitude. Enfin, à la fin de l'acte, mais il y aura déjà un changement notable dans mes actions, mais pas encore dans l'attitude. Et ensuite, l'attitude, ce sera que l'acte suivant. Rester un long moment auprès du corps sans vie de Corail. Prenez la pluie et ce n'est que le pire. picotements et la douleur que vous ressentez au coin des yeux, vous avez du mal à garder les yeux ouverts. La pluie vous agresse, vous sentez nauséeux à tel point que tu en viens à vomir de la bile. Tu n'avais pas pris soin de t'alimenter au lever. Et tu repars tout chancelant jusqu'à la maison commune, accompagné par Valkov qui pleure encore, qui pleure de tristesse et de rage, le corps sans vie de Corail. Vous avez juste oublié les trois sœurs. Vous allez à l'intérieur de la maison et rester à regarder longuement la table. Vous finissez par attiser le feu qui se mourait dans l'âtre pour vous réchauffer quelque peu. Le soir venu, vous annoncez la nouvelle. Lorsque les autres rentrent bredouille de leurs recherches, ils n'ont pas trouvé les trois jeunes filles. Et vient s'ajouter au décompte macabre. Outre le décès des deux dernières vaches, celle de leur vacher Qualia, mort sur son lit. Reste à trouver la bête blanche. Est-ce que tu fais part de cette idée à quiconque? J'en fais part au bélisque. Les rêves ne sont que ce que nous n'avons pas compris du monde. Je doute qu'il y ait une quelconque bête qui nous guette au dehors. Et garde-toi bien d'en parler à quiconque. Nous avons bien pire à affronter. Nous avons la mort des nôtres à compter. Les morts des nôtres. Il va falloir endiguer cette épidémie avant qu'elle ne n'achève pas sa phrase. N'en dis rien à quiconque. Bélistiu, les vaches, quand elles sont mortes, nous avons vu l'une morte, puis une encore en vie, qui avait de la mousse blanche autour du museau. Je pense que la blancheur est un signe, le signe qui nous annonce que la maladie a frappé et qu'il est maintenant trop tard. C'est les os. Oui, mais c'est l'un des symptômes. Je dis juste l'un des symptômes qui me semble plausible, c'est tout. Mais ça, c'est une nouvelle maladie, il faudrait établir les symptômes et la provenance. Corail, Qualia. Bednik. Pas Bednik, qui n'a pas reparu depuis la veille. Vos quatre vaches. Le taureau, lui, est toujours vaillant dans le pré. Ce qui est assez ironique. Parmi les anciens, manque à l'appel un homme dont l'âge est particulièrement avancé. Et c'est un vieillard que vous avez toujours connu, mais parmi les anciens, c'est sans doute celui avec lequel on associera plus spontanément le terme de vieillard. C'est Krasimir. Krasimir ou Krasimir? Krasimir. C'est encore un autre nom polonais. Lui aussi n'a pas reparu. Pourquoi il y a des noms polonais? Parce que Krasimir, c'est un nom polonais. Krasimir, c'est un nom polonais. Casimir, c'est un dessin animé d'abord. Non. Casimir, c'est un empereur polonais. Et en plus, c'est pas un dessin animé. Il y a un peu de dessin animé parfois. On va pas débattre sur Casimir. Allez, et donc, la communauté est profondément endeuillée au soir, au souper, et c'est un repas pénible. Tout le monde est amoindri. La plupart sont autour de la table et absorbent distraitement leur soupe. D'autres ont renoncé et sont simplement frileusement assemblés autour de la cheminée. Et enfin, quelques-uns sont restés au dehors pour rendre un dernier hommage à Corail et Qualia. Dans l'après-midi, les vaches ont été allées jusqu'au grand bûcher. Ce qui n'a pas été une mince affaire, à entendre les hommes éreintés par la tâche. Vous endormez dans un mélange de conversations tenues à voix basse, d'éclats de voix, empreints de colère, de rage contre les événements qui s'enchaînent, contre la mollesse de certains, les esprits sans fièvre, et vous sombrez dans un sommeil sans rêve qui vous soulage quelque peu des tourments dans lesquels vous trouviez. Krasimir, celui dont le dernier vous avez eu à déplorer la disparition, était une personne que vous affectionnez particulièrement. Un peu comme Pobelnik, il se tenait quelque peu à l'écart de la communauté, ne participait pas à toutes les tâches. Il avait à cœur d'aider autant que faire se peut les enfants, les filles notamment, a progressé, il était toujours, alors qu'il parlait peu, disposé à écouter leurs longues histoires. Et c'est le seul qui supportait sans coup faire rire leur babil incessant. Assis, sa canne entre les mains, à les observer, la casquette rivée sur sa tête, le regard clair, les observant avec un plissement bienveillant au coin des yeux, et toujours un mot gentil.